disque sacre, car c'est fini. Là-dessous, sous le Scania, il y a une petite fille qui est réduite en bouillie, ma pauvre Gigi. Gigi, oh Gigi, c'est le bordel chez les humains. Leur monde est diabolique. Y'a plus rien de féerique. Oui, tu nous manques, Gigi. Y'a plus rien, vraiment plus rien de bien. Dans cette vieille planète qu'on appelle la Terre, t'étais bien sympathique dans les 80s. On t'aime tant, on attend souvent. Chèque pour voir ton remake de ton noble univers, redescends vite sur terre, faire de la sorcellerie, reviens Gigi. Gigi, oh Gigi, c'est le bordel chez les diabolique. Y'a plus rien de